premier temps d'une courte série d'émissions de la Fabrique de l'Histoire consacrée aux villes d'eau, au thermalisme et à l'hygiène. Ce matin, nous allons essayer de comprendre ce qui s'est passé au Moyen-Âge dans ce domaine de l'hygiène. Est-ce que la pratique des bains a connu une baisse de fréquentation à un moment ou à un autre de ce long Moyen-Âge? Quelle autre pratique sociale s'est substituée à cette tradition millénaire? Quel poids a joué la religion dans ces changements? Pourquoi le thermalisme médical a-t-il pris son envol, par exemple, au XIIIe, XIVe siècle en Italie? Pour cette émission, nous allons cheminer donc entre hygiène, médecine et santé et analyser le rapport des femmes et des hommes du Moyen-Âge au bain avec nos deux invités, Marilyn Nicot, elle est professeure à l'Université d'Avignon, et Laurence Moulinier, elle est professeure à Lyon 2, et nous aurons en co-animation de cette émission, comme d'ailleurs mercredi, Christelle Le Polotec, qui a préparé le documentaire que nous écouterons demain sur Baden-Baden. Bonjour Christelle Le Polotec. Bonjour. Et bonjour à vous Laurence Moulinier. Bonjour. Bonjour Marilyn Nicot. Bonjour. Merci d'être avec nous. Donc pour cette émission que nous avons titrée, et c'est un titre énigmatique pour quelqu'un qui n'a pas fréquenté le Moyen-Âge dans ses sources, la fin des étuves. Qu'étaient ces étuves, Marilyn Nicot? Les étuves, c'est en fait un lieu dans l'espace généralement public, hein, dans les villes. Ce sont des bains, en fait, qui apparaissent dans le monde occidental latin, principalement à partir des 12e, 13e siècles. Donc on en trouve, je crois, presque une trentaine à Paris à la fin. 26, à la fin du temps. Ouais, voilà, 26, vous êtes beaucoup plus juste que moi. Non, j'ai jamais dire, chez vous d'ailleurs. Donc, en fait, cette pratique se développe un petit peu partout dans les espaces urbains, donc comme pratique d'hygiène, comme pratique de sociabilité aussi, donc à certains égards ça peut faire penser un petit peu au complexe thermo-ancien, mais de manière beaucoup plus réduite, et puis ces bains se transforment progressivement vers la fin du Moyen-Âge, au moment où se développent d'autres pratiques aussi d'hygiène, des bains privés par exemple. Et puis on a dit donc pour le terme d'étuve, mais pourquoi la fin des étuves justement en ce Moyen-Âge, début d'époque moderne, Laurence Moulinier, c'est que cette pratique s'interrompt à un moment donné? Oui, un édit en 1560 y met fin, mais sans doute pas pour des raisons d'hygiène en fait. Enfin, le rapport entre les épidémies de la fin du XVe siècle et l'arrêt n'est pas évident. Visiblement, d'après ce que j'ai pu lire hein, chez les spécialistes de la question, c'est plutôt à cause des phénomènes de délinquance et de violence qui se propageaient beaucoup dans ces lieux. Voilà. Alors, on va revenir sur cette longue tradition qui nous vient de l'Antiquité, en particulier de l'Antiquité grecque et surtout romaine, des bains qui étaient un lieu de sociabilité, pourrait-on dire, pour toute la société romaine antique. Et donc, c'est une pratique sociale que la pratique du bain, qui est une pratique avec sa clientèle, avec sa classe sociale, l'appartenance à sa cité, par exemple. Cela, c'est tout à fait documenté par de très nombreux textes anciens, Marilyn Nicot. Oui, en fait, les pratiques thermales alors existent déjà dans l'Antiquité grecque, mais c'est vrai qu'on les connaît de manière beaucoup plus développée dans le cadre de l'Empire romain, donc à partir en gros du IIe siècle, hein, où ce type de complexe thermaux se développe et s'étendent au gré de l'extension de l'Empire, et deviennent des lieux effectivement de sociabilité, des lieux aussi bien sûr d'hygiène, mais des lieux qui sont liés également à des pratiques d'exercice, d'hygiène du corps, et donc les grandes villes se dotent de sites thermaux, alors les lieux les plus importants ou relativement bien connus parce qu'ils ont aussi une continuité d'usage sont les thermes romains, hein, qu'on ait les thermes de Caracalla par exemple ou de Dioclétien à Rome, mais on en trouve un petit peu partout dans l'Empire. Et donc ça fait partie aussi de la façon d'être citoyen dans l'Empire romain, c'est-à-dire que une cité se doit à partir d'un certain moment de se doter de thermes pour comme on se dote par exemple d'un amphithéâtre ou de théâtre ou d'un colisée ou l'équivalent d'un colisée, on se dote de termes pour pouvoir être d'une certaine façon dans la romanité, dans l'Empire romain. On est citoyen romain. Donc, grâce effectivement en partie à ces termes publics, hein, qui sont l'objet, enfin qui sont créés soit par forme d'évergétisme également, donc et qui sont effectivement des lieux où se rencontre la société romaine pratiquant alors un certain nombre d'activités qui ne sont pas uniquement des activités liées à l'entretien du corps. C'est beaucoup plus large. Hein, c'était vraiment des formes de sociabilité qui marquent l'espace urbain comme les temples. Christelle de Polotec. Et par quoi ils vont être remplacés, du coup, ces grands établissements thermaux, après leur abandon ? Alors, leur abandon, en fait, est relativement difficile à dater suivant les lieux. Donc, on sait qu'à Rome, par exemple, à l'époque gothique, donc au VIe siècle, il y a encore des utilisations des grands bains thermaux. Il y a entretien des grands aqueducs aussi. Hein, l'Aqua Claudia est encore entretenue et récurée à l'époque des papes également. Donc, il y a une certaine continuité qui se termine, en gros, autour des VIe, VIIe siècle pour ce qui est de ces grands complexes thermaux, et effectivement, ils ne sont pas vraiment remplacés. On a souvent une image assez négative de ces périodes du haut Moyen-Âge, en considérant que l'Église, mais Laurence en parlera peut-être beaucoup mieux que moi, l'Église a une attitude assez négative contre des soins du corps, on va dire, alors qu'en réalité, ce que l'on rejette, ce sont essentiellement les pratiques de la promiscuité dans les bains, les hommes et les femmes ensemble. La mixité, oui. Voilà, la mixité des bains, c'est ce que dit Grégoire le Grand, hein, pas de bains mixtes, hein, et puis toutes les formes un petit peu liées à des formes de luxure qui sont liées au bain. Donc c'est cela qu'on rejette, et à la place, on voit se développer donc des formes de bains beaucoup plus réduites. Les archéologues en ont trouvé des traces en Italie méridionale, à Rome également, de ces formes de bains qui sont liées souvent à des diaconies, c'est-à-dire des sortes de monastères, hein, des monastères aussi, et qui généralement accueillent aussi des pauvres en leur permettant de se laver de manière régulière. Alors ça, c'est en Italie, mais on peut dire que effectivement, si l'Empire était couvert de bains de l'Orient jusqu'à l'Occident, il y a des pratiques très diverses qui vont s'instaurer, et que si l'Italie maintient d'une certaine façon, et Rome, une pratique du bain pendant plusieurs siècles après la chute de l'Empire romain, ça n'est pas le cas de toutes les autres parties de l'Empire. Ça dépend, parce que les parties qui concernent le monde islamique maintiennent et transforment des pratiques de bain, alors avec des formes aussi de bain d'étuve, hein, de bain sec, donc qui sont à la fois liées à la religion musulmane, mais pas seulement. Ça devient aussi, comme dans le monde romain du reste de l'Antiquité, des marqueurs de l'espace urbain. Hein, donc on trouve des bains sans qu'il y ait pour autant de continuité de site avec l'Antiquité, mais on retrouve aussi dans ces espaces, donc la Jordanie, le monde maghrébin, jusqu'en Espagne, il y a des travaux récents qui ont été faits sur les bains dans la péninsule ibérique, qui montrent justement le développement de ces pratiques. Oui, alors Laurence Moulinier, qu'a donc l'Église, puisque visiblement elle a quelque chose à dire sur cette question, contre cette pratique du bain, et plus généralement peut-être contre l'hygiène du corps, l'entretien du corps? Est-ce qu'il y a un discours, disons, des pères de l'Église en particulier autour de cette question-là, ou est-ce que, comme pour la question du régime alimentaire, de la diététique, il y a des discussions, des débats, et qu'il n'y a pas une seule position unique, en tout cas dans ces premiers siècles de l'Église? Laurence Moulinier. Oui, je pense qu'il n'y a pas une position unique, et que le corps dans le christianisme, c'est quand même le temple de l'esprit. Hein, donc, c'est pas le rejet du corps, me semble une idée aussi à rejeter. Il y a des pères de l'Église qui ont des connaissances, par exemple, en physiologie, en anatomie, qui le déversent allègrement dans leurs écrits. Et pour en rester au Moyen-Âge, où Marilyn nous a emmené tout à l'heure, le bain comme pratique thérapeutique dans les monastères, c'est attesté. Hein, c'est pas tant pour se laver qu'également pour se soigner qu'à haute époque, déjà, on en a des traces. À partir de quel moment on sait à peu près Dès le VIe siècle, on a dans la règle de César d'Arles, par exemple, il fait mention des bains, et même encore plus tôt dans la règle de Saint-Benoît, si je me rappelle bien. Donc, le chapitre sur les malades. Donc, quand on dit interruption, c'est une interruption qui n'est pas totale des bains entre cette pratique des thermales de l'Empire romain, y compris du bas Empire romain, et puis ce haut Moyen-Âge. Il y a des endroits où on continue justement à avoir cette pratique. Oui, je pense que c'est une transformation, un changement de lieu, mais la modalité thérapeutique du bain ne me semble pas abandonnée. C'est-à-dire, si je puis me permettre... Allez-y, Marie-Louise. Vous ne m'avez pas donné la parole, mais je la prends. En fait, il y a à la fois mutation et continuité, c'est-à-dire que la continuité, elle reste effectivement l'action, on va dire, d'hygiène du bain au sens actuel, hein, d'hygiène, et non pas dans le sens d'ailleurs médical et antique. Donc elle perdure, comme l'a dit Laurence, mais sous des modalités un petit peu diverses en termes de complexes. Et ce qui se poursuit aussi, mais qui apparaît beaucoup plus porté par un discours médical, c'est la partie thérapeutique du bain qui existait dans l'Antiquité. Sont les bains minéraux, hein, les bains thermaux. C'est le problème, c'est la polysémie du mot terme, oui. En fait, oui. Sous ce même vocable qui signifie la chaleur, en fait ça renvoie à des pratiques et à des lieux qui sont totalement différents. Et balnéum, soi-même, le terme latin balnéum, on ne sait pas très bien ce que ça recoupe, qu'est-ce qu'il y a dessous, en l'occurrence. Il y a plein de bains différents. Alors, ouais. Souvent, pour l'Antiquité, justement tardive, on différencie les grands termes, les grands complexes municipaux, des balnéa, qui sont des lieux beaucoup plus modestes, on va dire, et qui vont se poursuivre tout au long du Moyen-Âge. Le Moyen-Âge utilise surtout le terme de balnéum, le terme de bain, pour désigner aussi bien les bains urbains que les bains, justement, minéraux. Christelle Le Polotec. Oui, c'est ça qui est surprenant, c'est que on va le voir jusqu'au Moyen-Âge, il y a des études sur les eaux de pluie, les eaux de fonte des neiges, les eaux marines, stagnantes ou vives, mais finalement la distinction entre eau chaude et eau chauffée, c'est-à-dire elle va venir assez tardivement, au XIIIe siècle à peu près, c'est ça ? Alors en fait, c'est un petit peu différent, c'est-à-dire que effectivement vous avez cette longue tradition sur la distinction des eaux qui apparaît déjà d'ailleurs dans le traité hippocratique, hein, air au lieu, qui est surtout connu par le commentaire qu'en a fait Galien, mais on va rajouter effectivement à partir de l'Antiquité tardive dans des auteurs comme Oribas par exemple au IVe siècle, médecin grec, ou Paul d'Égine au VIIe siècle, qui eux vont introduire de nouvelles catégories qui apparaissaient dans un discours non médical précédemment, c'est-à-dire qui apparaissaient chez Strabon ou chez des auteurs comme Pline, c'est-à-dire des distinctions de l'eau en fonction de leur minéralité. En revanche, on parle effectivement, les bains sont essentiellement des bains qui sont chauffés, sauf à partir du moment où on trouve des sources minérales chaudes. Vous évoquiez tout à l'heure, Laurence Moulinier, ces bains qu'on peut trouver dans certains monastères dès le 6e ou 7e siècle. Il y a un discours médical qui vient de l'Antiquité, qui se transmet par l'intermédiaire d'usage de Galien ou d'Hippocrate, en l'occurrence. Ce discours médical prend-il en compte justement cette question de l'hygiène corporelle et comment est-ce qu'on le retranscrit dans l'univers médiéval, au médiéval par exemple au 8e, 9e siècle? On sait que, enfin en tout cas c'est ce qu'on raconte, que Charlemagne prenait des bains avec son conseiller Ginard par exemple. Donc ça veut dire qu'il a aussi, il y a une présence, mais on ne sait pas s'il était seul à prendre des bains parce qu'il était l'empereur, ou si une partie de son empire pratiquait aussi cette pratique balnéaire, Laurence Moulinier. Alors Charlemagne, oui, il passait à la postérité comme un grand nageur, si je me rappelle bien, dans sa piscine, hein, c'est pas la même chose que le bain. Du coup, j'ai perdu le fil. Oui, la question du discours médical sur cette pratique du bain. Est-ce que ce discours médical qui vient de l'Antiquité, qui est avec tout un tas de traités qui étaient des traités antiques sur cette question du bain et de l'hygiène corporelle et du traitement que l'on peut avoir de son corps par l'intermédiaire de cette eau, se transmet, et de quelle manière jusqu'au discours médical médiéval? Il est encore bribère, hein, ce discours médical, puisqu'il y a des choses qu'on ne connaît pas, qu'on ne connaît plus d'Hippocrate et de Galien, mais il y a quand même une base qui s'est transmise, et dans les écrits médicaux du haut Moyen-Âge que je connais pas trop mal jusqu'au XIIe siècle, il y a tout un savoir sur effectivement les emplois de l'eau chaude, non seulement de l'eau chaude, mais de toutes les herbes qu'on peut mettre dedans pour obtenir tel ou tel effet. Donc ça se maintient. Si c'est la question. Oui, c'est ça la question, bien sûr. Et ça se maintient de manière. Alors on ne peut pas savoir la différence entre la théorie médicale et la pratique, c'est-à-dire on ne sait pas comment cela descend au cœur de la société médiévale. Oui, c'est toujours difficile. Il faut essayer de faire des recoupements entre l'archéologie, des plans de monastères, même s'ils sont idéalisés, des traités de médecine dus à tel ou tel auteur, y compris des autrices. Hein, je pense à, évidemment, Hildegard de Bingen, mais pas seulement, la chanoinesse Gutta en Alsace, qui laisse un traité étonnant, où il y a beaucoup de prescriptions sur les bains également. Donc, on n'a pas la trace qu'il y avait un bain à Schwarzenheim, mais enfin, si elle en parle, c'est tout de même que c'était réalisable. Et puisque vous évoquez Hildegard de Bingen, O tu suavissima virga. Vous écoutez France Culture, La Fabrique de l'Histoire, Emmanuel Laurentin. Un extrait de « O tu suavissima virga » de Hildegard von Bingen, donc par l'ensemble séquentien. Pourquoi Hildegard de Bingen s'intéresse-t-elle justement à cette question du bain, Laurence Moulinier? Elle s'intéresse à plein de choses, puisqu'elle s'intéresse aussi à la culture, la façon dont on peut faire pousser les plantes, à tout un tas d'autres choses, en tant que moniale, et donc avec cette vision que peut avoir mystique, que peut avoir Hildegard de Bingen. Ça rentre dans cette vision mystique, la question de l'usage du bain, ou pas du tout? Non. Et d'ailleurs, je crois qu'elle n'est pas mystique, mais plutôt prophétesse. Mais elle est visionnaire, elle est inspirée, tout le créé l'intéresse, toute l'œuvre de Dieu l'intéresse. Et justement, elle a une haute idée du corps humain, en particulier du corps de la femme. Donc, elle fait en sorte, avec des moyens qui restent encore parfois explorés, de livrer aux hommes qui en ont perdu un peu la clé, tous les moyens d'entretenir ce corps, de le soulager, y compris de remédier à des maux qu'elle ne connaîtra jamais elle-même, comme l'accouchement. On a des passages entiers là-dessus, grâce au bain. Et ce qui est très intéressant, effectivement, c'est, vous venez de l'évoquer, ce terme, c'est le terme de purification, parce qu'il y a aussi une dimension, donc, dans ces religions monothéistes en particulier, une dimension purificatoire au bain. Oui, oui. Et là, il faudrait dire deux petits mots du monde juif, renvoyés aux travaux d'Eviatar Marienberg. Par exemple, le bain rituel, c'est fondamental, donc... Il y a cette idée du corps qu'il faut régulièrement purifier selon les circonstances pour le rendre tout à fait apte ensuite à la prière. C'est ce qui explique la présence de mikvé ou de mikvaot, je crois qu'on dit en hébreu, oui. Assez fréquent sur le territoire français par exemple, mais aussi dans le reste de l'Europe. Et donc ce sont ces bains rituels, comme on peut encore le voir à Montpellier, de très belles manières. Je crois qu'on en a découvert par l'archéologie il y a 3 semaines du côté de Saint-Paul, oui. 3 châteaux, donc dans le sud de la France, et on en a à Carpentras et ailleurs, donc des bains rituels qui sont creusés dans la pierre, et on descend dans le bassin, pourrait-on dire, pour se purifier. Voilà, pour les exigences de l'Anida, il y a eu aussi plus au nord des choses à Melun. Je renvoie à un article de Eviatar Marienberg dans Médiéval, le bain des Mélunaises. Petite minute de publicité, mais voilà, qui effectivement atteste de l'importance de cette pratique. Si c'est une publicité pour une publication savante, c'est pas de la publicité pour exactement. Nous, vous savez. C'est de l'information. Christelle Le Polotec. Ce qui est assez notable aussi, c'est qu'on le voit à partir donc du XIIIe siècle, il va y avoir un renouveau d'intérêt pour l'eau thermale, qui va être fait par l'intermédiaire des médecins. Un certain nombre de publications, d'ouvrages, de diététiques vont se multiplier. Et surtout, ils vont mettre en avant justement ce besoin de règles strictes dans le bain, qui rappelle un peu ce que vous disiez, Laurence Moulinier, notamment par rapport à l'alimentation. Il ne faut pas se nourrir avant d'aller prendre le bain, il faut prendre des bains à des heures fixes. On a l'impression, voilà, qu'il cadre comme ça... Marilyn Nicon, comme vous voulez. C'est plutôt Marilyn et Didier Boisseuil, personne intermédiaire, qui vont répondre. En fait, donc, les développements des traités sur les bains thermaux, c'est à la fois lié donc à une connaissance de la minéralité de l'eau et de ses vertus thérapeutiques, mais très rapidement se mettent en place effectivement des règles d'usage et qui, à certains égards, font un petit peu penser à des règles plus récentes, c'est-à-dire on passe 3 semaines à peu près dans les bains, dans des séjours assez longs. Il faut effectivement suivre tout un ordonnancement. Dans la journée, le bain, éventuellement la douche, quand cette sorte de pratique se développe à la fin du Moyen-Âge. Ne pas manger, puisque le bain sert en fait à faire sortir du corps les matières de la 3e digestion, donc qui sortent par les pores de la peau. Donc il y a effectivement des règles quotidiennes à suivre, et les moments de repos aussi, parce que c'est très fatigant comme pratique. Vous avez insisté tout à l'heure, Marilyn Nicou, sur la discontinuité, pourrait-on dire, sur le fait qu'il y avait une pratique balnéaire de l'Antiquité, qui s'est transformé au moment du Haut Moyen-Âge et qui se retransforme à nouveau, comme vient de le dire Christelle Le Polotec, vers le XIIIe siècle. Il y a quand même des lieux qui demeurent, dont on sait qu'ils ont demeuré tout le temps. Je viens de recevoir un petit message d'Isabelle Landonna qui me dit il y a Pouzol, par exemple. Donc Pouzol, c'est du côté de Naples, donc c'est juste à côté de Naples. Ce sont des bains très particuliers qui ont eu des vertus très importantes à un certain moment et qui ont continué à être fréquentées tout au long du Haut Moyen-Âge et du Moyen-Âge central. Alors la discontinuité, en fait, elle se signale surtout dans le discours médical, c'est-à-dire l'apparition d'un nouveau discours sur les bains minéraux. En revanche, effectivement, sur les pratiques, et merci Isabelle de le rappeler, sur la toute la... On allait y venir de toute façon, mais c'est juste, ça me permet de faire la transition, vous voyez. Non, mais vous avez raison, et elle a parfaitement raison sur les bains de Baïa, de Puzzol, qui sont connus dans l'Antiquité, les eaux sont soufrées. Les bains soufreux. Voilà, mais effectivement, alors dans le discours médical, on en parle relativement peu, si ce n'est le fameux texte de Pietro d'Eboli, mais qui n'est pas médecin, donc pour le Frédéric II. Mais en revanche, on sait qu'effectivement, il y avait des continuités de pratiques. Donc il faut distinguer un petit peu les discours et les pratiques qui ont duré assez longtemps, effectivement. Christelle de Polotech. En Italie, on le voit notamment, certains bains vont être fréquentés par des paysans, par exemple, sans aucune règle, justement, aux grandes dames des médecins qui sont extrêmement... Non, mais c'est drôle de voir ça. Finalement, la population qui va au bain... Elle est aussi extrêmement large. Exactement. Alors, les attestations que l'on a, c'est souvent, effectivement, l'empereur Louis II ou Frédéric II qui se rendent au bain. Mais on sait très bien qu'il y avait des pratiques, tout simplement, dans la proximité. C'est-à-dire que les gens qui habitaient à proximité de sites thermaux se rendaient au bain pour des raisons diverses, qui pouvaient être des raisons médicales, mais aussi, tout simplement, des raisons de bien-être. Et ce n'est qu'à partir du XIVe siècle qu'il y a tout un engouement médical. Et derrière, il y a des intérêts économiques aussi, à s'emparer de ce phénomène thermal. Mais il y a une grande diversité de curistes, on va dire. Oui, alors tout de même, continuité à Pouzol, donc à côté de Naples, mais avec, c'est ce que vous précisez, je crois, Marilyn Nicou, des médecins qui ont la réputation d'avoir effacé les inscriptions antiques qu'il y avait dans les différents bains selon les différentes affections de la peau, par exemple, que l'on pouvait avoir, qui permettaient d'avoir des bains de différentes natures. Et ces médecins les ont effacés parce que ça leur faisait de la concurrence que d'avoir comme ça une sorte d'auto-prescription des curistes qui pouvaient y aller tout seuls d'une certaine façon. Oui, alors en fait cette habitude de mettre des pancartes pour signaler un petit peu ce que soignent les bains thermaux, on le trouve manifestement sur une très très longue période. Et là, c'est dans les Ossia Imperiala que Gervais de Tilbury raconte que les médecins de Salerne, qui eux ne parlent pas du tout des eaux thermales dans leurs différents traités. Et pourtant, c'est la plus grande ou une des plus grandes écoles médicales d'Occident à l'époque, mais ils ne s'intéressent manifestement pas à ça. Et de fait, donc, ils sont accusés d'avoir détruit ce qui était écrit sur les pancartes pour éviter toute forme d'automédication, en quelque sorte. Alors, on a cette question médicale, en l'occurrence, Laurence Moulinier, autour de ces bains. On a aussi une question esthétique. Il y a aussi le soin du corps pour la beauté du corps, pour l'entretien de la peau, par exemple, etc. Et cela, vous le trouvez aussi dans les sources, parfois, les sources médicales. Oui, oui. Alors, à partir du XIIe siècle, grosso modo, en Occident, dans l'Occident latin, il y a désormais une littérature cosmétique qui se développe, très influencée, évidemment, par la culture orientale, et un lien nouveau est fait entre... Je m'arrête là-dessus. Oui. Très influencée par la culture orientale, c'est-à-dire que ça passe par l'Espagne... C'est-à-dire que c'est des textes de la médecine arabe qui ont été traduits en latin, qui viennent irriguer, Avicenne, Razès, qui viennent irriguer ce savoir en neuf pour l'Occident, disons. Et donc, un lien très étroit est fait entre, effectivement, la pratique du bain et le bon état du corps, notamment le lien entre épilation et étuve extrêmement marqué dès le XIIe siècle dans le Trotula. Et on le retrouve après constamment, enfin, chez un chirurgien comme Mondeville, c'est évident aussi. Alors, c'est très étonnant parce qu'on s'est étonné, Christelle de Polotech et moi-même, en préparant cette émission, que cette question de l'épilation était quelque chose de très fort, que la question aussi de la couleur des poils ou des cheveux était très forte et que... On allait chercher dans ces traités médicaux. Alors on disait qu'il fallait pas trop le faire, mais en même temps on l'énonçait. Donc à partir de ce moment-là, ça voulait dire qu'il y avait tout de même une pratique. On allait chercher dans ces traités médicaux comment s'épiler, en particulier le pubis pour les femmes, etc., etc. Oui, il y a toute une gamme de soins qui est largement en place, de teinture de cheveux, antise du poil, on peut dire quand même clairement. Recherche de l'odeur aussi. C'est pas quelque chose encore très explorer, mais je pense qu'il y a des choses intéressantes, comment parfumer les cheveux, la laine, le nez, on avait peur de puits du nez, c'est une espèce de fixation des textes du Moyen-Âge, et clairement voilà, l'étuve c'est le lieu où on va raser, épiler, débarrasser le corps de tout ce qui le rend rugueux, pour un corps lisse. Et évidemment, ensuite, le lien entre sexualité, médecine et cosmétique est évident. Avec mais en même temps, on abandonne certaines des pratiques qui sont des pratiques typiquement venant de l'Orient, comme la teinture au henné, comme des choses comme ça, ou le col autour des yeux. On n'a pas l'air de les avoir adoptées, c'est voilà. Plutôt ça. On manque de traces pour dire que ça a été intégré. Oui, Marilyn Nicou, ça veut dire que quand on s'approche de cette question du corps et de la façon dont le corps était traité au Moyen-Âge, il faut y aller tranquillement, à partir des sources, sans avoir d'idées reçues, parce que on s'aperçoit que plus on s'en approche, plus il y a de variété d'approches, plus, au bout du compte, il y a des pratiques qui diffèrent selon les lieux, selon les époques, selon les milieux. Oui, tout à fait. En fait, bon, il faut se départir un petit peu de... comme en général en histoire, de toutes les images et les idées reçues que l'on peut avoir. Donc il y a effectivement tout un discours qui se développe et qui est lié à des formes de pratiques, notamment principalement dans les milieux des élites, bien évidemment, où l'on retrouve une attention au corps, aux soins du corps, à l'hygiène. L'hygiène au sens de l'ensemble des pratiques liées au monde qui nous environne et qui sont nécessaires et indispensables, non seulement à la conservation de la santé et à la thérapie. Donc le bain en fait aussi partie. Oui, alors vous avez participé entre autres à un livre récent qui s'appelle Le vrai visage du Moyen-Âge, dirigé par Nicolas Veille-Paro et Véronique Salle, qui est paru aux éditions Vendémiaire, c'est cela, c'est et dans lequel vous expliquez effectivement tout cela, et en particulier vous affirmez, vous dites il faut mettre à l'écart évidemment cette vision d'un Moyen-Âge sale qui n'a que la saleté comme référence. Au contraire, c'est un Moyen-Âge très propre où chacun, enfin tant de s'entretenir, mais vous expliquez tout de même qu'il y a une transformation, un changement vers la fin du Moyen-Âge où on va progressivement préférer ce que vous appelez la toilette sèche. Alors qu'est-ce que la toilette sèche et pourquoi justement cette question du bain a quelque chose à voir avec la toilette sèche ? Alors en fait, là on s'appuie aussi sur les travaux de Georges Vigarello, qui l'a très bien montré, les évolutions entre la fin du Moyen-Âge et l'époque moderne, où on se méfie de plus en plus. Alors je pense que c'est en grande partie aussi lié aux épidémies de peste, c'est-à-dire à l'idée que le venin de l'air pénètre dans le corps par les pores de la peau, et comme le bain ouvre ses pores, permet donc dans le cadre notamment de lieux de promiscuité, plus facilement d'envenimer et d'empoisonner les personnes, de diffuser la peste. Donc on évolue effectivement vers des formes de toilettes plus sèches qui vont devenir très, très importantes à l'époque moderne. Des toilettes sèches qui n'ont rien à voir avec ce qu'on appelle les toilettes sèches non, aujourd'hui. Non, on se frotte de se mouiller. Quoi. Ouais, c'est on ça, attends, un linge avec... On frotte un linge. Christelle de Polotec. Oui, donc on peut dire qu'à la fin du XVIe siècle, il y a ces trois événements confluents. L'apparition donc de cette toilette dite sèche, la crainte des épidémies, et puis quand même la prostitution dans les étuves. C'est ces trois éléments qui vont conduire à la fin, d'une certaine manière, des bains. Laurence Moulinier, quand vous alors, trouvez dans bain les... Alors, bains et étuves, quand même, c'est pas pareil. Il ne faudrait pas qu'on les mélange non, trop. Parce que parallèlement... Les termes, elles, se développent. Voilà, la prostitution, elle demeure en dehors des étuves. C'est certain qu'à la fin du Moyen-Âge, s'il y a des discours contre les étuves de la part de prédicateurs, c'est à cause justement de cette promiscuité qui dégénère assez rapidement en rencontre sexuelle facile. On va au bain en couple, il y a des miniatures qui nous le disent, il y a également beaucoup de textes. Voilà, donc là encore, j'ai encore perdu le fil. Mais c'est pour dire que on stigmatise définitivement les étuves comme un lieu vraiment trop enclin à la violence, à des délinquances liées à la prostitution. Et effectivement, la toilette sèche, c'est lié plutôt à la peur de l'eau, quoi, qu'on a instinctivement adopté, avec des raisons plus ou moins fantasmatiques. Vous avez noté, par exemple, que quand vous êtes passé par Poitiers à l'université, vous avez travaillé sur les barbiers, les chirurgiens, les médecins dans le Poitou, dans le centre-ouest de notre pays, et vous avez noté qu'effectivement, les barbiers qui entretenaient des étuves, alors ça, je ne savais pas que c'était les barbiers qui entretenaient parfois dans certains des lieux, étuves, oui. Dans certains lieux, pratiquaient l'épilation, ce que vous disiez tout à l'heure, le rasage, et devaient donc rejeter... du métier, tout barbier qui était réputé ou qui avait été notoirement diffamé de tenir ou avoir hostel de bordellerie ou de maquellerie. Donc ça veut dire qu'il y avait tout de même cette idée que l'un pouvait cohabiter, oui, avec l'autre. Très très vite, effectivement, ces lieux sont associés à cette possibilité d'aller transformer la séance de bain en rendez-vous galant. Alors bon, là, c'est des barbiers poitevins, humbles, que j'ai étudiés, mais à Lyon, par exemple, au XVe siècle, on sait que des étuves célèbres, comme les étuves de la pêcherie, sont tenues par de grands bourgeois qui en tirent un profit non négligeable. Mais un profit par l'intermédiaire de la prostitution, oui, également. Oui, Marilyn Nicou. En fait, on voit bien au début, disons, au XIIe, XIIIe siècle, il y a des règles pour les usages des bains, c'est-à-dire qu'il y a des jours pour les femmes ou des horaires pour les femmes pour éviter cette promiscuité. Et manifestement, vers la fin du Moyen-Âge, les choses évoluent. Pas partout, il ne faut pas non plus généraliser. Je pense que toutes les études ne sont pas des bordels, mais certaines d'entre elles le sont. De Guillaume de Machaut, interprété par Orlando Consort. Évidemment, le héros meurt, mais il meurt d'amour. Il ne meurt pas dans les mains, mais nous sommes tout de même au XIVe siècle et nous avançons chronologiquement dans ce Moyen-Âge dont nous avons tenté d'expliquer qu'il était plus propre que ce qu'on avait dit de lui jusqu'à il y a quelques temps et que surtout, il y avait des pratiques diversifiées des bains puisqu'il s'agit de notre semaine, série d'émissions consacrée justement aux villes d'eau, au thermalisme et à l'hygiène du corps. Christelle Le Polothèque. Alors peut-être pour revenir sur cette question de la promiscuité dont vous parliez, Marilyn Nicou, dans les étuves, à Paris notamment, en France, cette promiscuité, on va la retrouver dans les bains thermaux. On connaît notamment cette lettre du Pauge, donc ça c'est au début du 15e siècle, un humaniste qui va à Bade, en Argovie, en Suisse, et qui est assez choqué par le fait que les bains soient mixtes, et qui va même jusqu'à dire qu'apparemment les gens vivent notamment les femmes atteintes de stérilité, que ces bains font beaucoup de bien aux femmes atteintes de stérilité. Il n'y a pas qu'à Baden que les bains font du bien aux femmes qui sont atteintes de stérilité. Certains bains en Italie procurent également manifestement des soins pour ces questions. En fait, le Pauge, c'est un petit peu compliqué parce que lorsqu'il écrit cette lettre, c'est à la fois... C'est en 1416, c'est ça ? 1416. Oui, 1416. Mm-hmm. Donc, dans cette lettre où il raconte son séjour à Baden, il évoque à la fois des choses qui sont assez différentes de ce qu'il connaît. C'est-à-dire, alors, c'est pas tant que les hommes et les femmes sont vraiment ensemble dans les bains, ils sont vaguement séparés, mais enfin, qu'il y a des possibilités de se voir. Il y a des sortes de galeries aussi qui permettent de surplomber les bains. Donc, les hommes et les femmes ont une vraie sociabilité ensemble. Il cherche à divertir également son lecteur, dont derrière il y a un certain nombre de topoi aussi de la littérature humaniste qui sont véhiculés dans cette lettre. Il faudrait pas en faire une seule lecture ethnographique, on va dire, avant la lettre. Mais néanmoins, ce que vous expliquez, c'est que cette lettre va être retranscrite assez fréquemment et qu'au bout du compte, cette lettre à Niccolo Niccoli, donc qui est un de ses amis, va devenir une sorte justement de façon de raconter ce qui qui se passe dans ses bains et aura peut-être d'ailleurs des conséquences sur la vision que tout le XVe siècle aura de ce stupre qui se développerait à l'intérieur de ces bains et de ces thermes. Oui, parce que manifestement, en Italie, il y a des séparations de bains. Donc, il y a les bains pour les femmes. Hein, certains d'entre eux, d'ailleurs, sont connus, les bagno delle donne, que l'on trouve dans la toponymie. Donc, ce sont des pratiques qui sont manifestement assez différentes de ce qu'ils connaissent dans la péninsule italienne et qui ont très largement, en fait, repris un petit peu l'image que l'on avait finalement des étuves. Donc, quelque part, les thermes et les étuves se retrouvent autour de cette mixité des bains. Et puis, il y a aussi quelque chose de très intéressant qu'on voit se développer à la fin du Moyen-Âge. C'est le développement des universités, Laurence Moulinier, et peut-être aussi la séparation des regards sur le corps entre médecine universitaire, travail du barbier, travail du chirurgien. Il y a peut-être là aussi un corps qui est, disons, découpé selon les spécialités, alors qu'auparavant, il était vu de façon un peu unique. Vous avez travaillé sur ces séparations de métiers à la fin du... L'unicité de fonction, c'est valable pour ce qu'on appelle la médecine du cloître, la période du Haut Moyen-Âge. Un même individu, le plus souvent au sein du monastère, cumulait toutes les capacités qui vont se distinguer ensuite. Effectivement, après, à partir du moment où il y a un médecin diplômé, latiniste, formé à l'université, il va s'opposer clairement, par son savoir, aux opérateurs manuels que sont les chirurgiens et les barbiers principalement. De là à penser qu'il y a un corps fragmenté ou morcelé, faut que je réfléchisse deux secondes. Évidemment, la connaissance complète du corps, c'est le médecin qui la possède, puisqu'il est censé totalement maîtriser les lois de fonctionnement de ce corps. En même temps, un chirurgien digne de ce nom, j'en vois à Mondeville ou à Chauliac, prétend qu'il faudrait être aussi médecin hein, et connaître au moins aussi bien l'intérieur du corps. Alors oui, certainement, les barbiers n'ont pas un niveau de connaissance médicale aussi élevé. De là à dire qu'ils ont une vision complètement partielle ou réduite du corps, je ne sais pas si tu en penses, Marine, je dirais peut-être pas jusque-là. Ils ont une culture moindre. Mais c'est quand même du même corps qu'ils parlent. Bien sûr, Marine Nico. Oui, ils ont des pratiques aussi différenciées. Puis là, je pense qu'il faut aussi distinguer ce qui se passe en Italie où les chirurgiens sont aussi formés à l'université, ce qui n'est pas le cas. Mondeville a essayé pour la France, pour Paris notamment. Il n'a pas réussi. Donc la distinction qui restera très longtemps opérationnelle entre chirurgie et médecine en France n'est pas tout à fait valable pour l'espace italien. Et puis il y a un autre espace dont vous parlez de façon connexe, pourrait-on dire, Marilyn Nicou, c'est l'espace du nord de l'Europe. On a d'autres pratiques balnéaires, enfin balnéaires si on peut dire, avec ce qu'on appelle le stufa, ou je ne sais pas, c'est l'équivalent de ce qu'on appellerait le sauna aujourd'hui. Oui, et qui a donné le mot étuve d'ailleurs. Ouais, donc en fait, c'est là aussi on retrouve ces problèmes de polysémie de vocabulaire, c'est-à-dire qu'a priori ça désigne des formes de sauna, effectivement, et puis ça a rapidement désigné les étuves, où on peut trouver à la fois des bains de vapeur et des bains d'eau, comme vous l'avez montré, je crois, c'est l'image de Valère Maxime, ouais, là, que vous avez utilisée pour le site de France Culture, Romains, exactement, voilà. qui montre ces baignoires, en fait, où hommes et femmes partagent. Mais on retrouve dans ces étuves à la fois des bains de vapeur et des bains d'eau. Et là, je crois que les prix étaient un petit peu différents. C'est moins cher. Quel regard portent, par exemple, les contemporains du XIIIe, XIVe siècle sur ce qui se passe dans ce monde arabo-musulman dont on parlait tout à l'heure à propos des traités de médecine? Est-ce que le fait que là, il y ait continuité, permanence d'établissement de bains sur le modèle antique ou byzantin est regardé d'une manière ou d'une autre? Je sais pas, il y a les croisés qui doivent partir, qui doivent revenir aussi pour certains d'entre eux. Est-ce qu'ils en disent quelque chose justement de ce qu'ils voient en Orient, ou est-ce que vous n'avez pas perception d'un discours particulier tenu justement sur cette pratique d'hygiène particulière que pratique justement la civilisation arabo-musulmane du cœur du Moyen-Âge central et de la fin du Moyen-Âge? Alors d'après ce que, c'est moi qui prends la parole, merci Laurence, c'est plutôt du côté d'ailleurs des musulmans hein, que la perception du monde latin est celui d'un monde relativement sale, en particulier. Après, vous dire que le topos qui dit que les occidentaux, l'Europe occidentale chrétienne est sale, ce sont les écrivains du... On peut le trouver chez certains auteurs effectivement du monde arabo-islamique. Après, il n'y a pas automatiquement de totale continuité non plus sur les lieux, les sites entre l'Antiquité et le monde islamique, c'est-à-dire qu'il y a des continuités de pratiques, mais il peut y avoir des transformations en revanche des lieux, hein, comme cela a été montré relativement récemment. Et le monde arabo-islamique a aussi cette distinction qui existe dans le vocabulaire entre le hammam, qui ressemblerait donc au bain, et les hamas, qui sont les sites thermaux au sens de sites minéralisés. minéralisée, c'est-à-dire avec des, une eau. Des eaux minérales, des eaux minérales et thérapeutiques. Et thérapeutiques. Et qui distinguent la terminologie. Oui, Laurence Mounier. Non, juste un tout petit mot. Moi, pour ma part, je n'ai pas en tête de témoignages de croisés explicites, hein, s'extasiant ou au contraire dénigrant un système qu'il doit observer. Mais clairement, pour en revenir encore à cela, l'histoire des textes nous montre quand même qu'avec les grandes traductions, ce qu'on appelle les grandes traductions, hein, notamment de textes arabes, on intègre ce savoir relativement neuf sur les bains et on le rapporte à une origine orientale. Hein. Je pense encore au Trotula, au traité salernitain, qui mentionne régulièrement les femmes sarrasines. Donc bon. Là, l'origine de ces connaissances est claire. Et assez vite aussi, c'est intégré à un texte voué à un très grand succès comme Le régime du corps d'Aldebrandensienne, que tu connais très bien, Marilyn, où il y a justement tout un paragraphe sur le bain qui, clairement, on doit tout à Avicenne, Razès, etc. Moi, je me situe au niveau de l'histoire des textes où oui. C'est clair qu'à partir du XIIe siècle, des nouvelles connaissances des ferles et sont intégrées. Pour le reste, pour les actes de la pratique, les témoignages quotidiens, c'est plus difficile à évaluer. Oui, Christelle de Polotech. Sur ce régime du corps dont vous parliez, on le voit donc dans ces textes des médecins au XIVe, XVe siècle. Donc, quand ils parlent des bains, ils parlent vraiment du corps dans sa totalité. Donc, on l'avait dit, l'alimentation, mais aussi la sexualité. La sexualité est complètement proscrite pendant les bains, voire même plusieurs mois après. Ça, c'est quoi? C'est des questions morales ou c'est vraiment une... Alors, a priori, que je milite parfois pour un Moyen-Âge un petit peu laïque, si je puis dire. Donc, disons que c'est expliqué non pas par des raisons morales du tout dans ce genre de texte, hein, qui sont les textes écrits par des médecins, mais par des raisons physiologiques. Donc, en fait, c'est pour les mêmes raisons qu'il ne faut pas s'alimenter auparavant. Il y a des règles à suivre également en matière de sexualité, mais elle est loin d'être proscrite, hein. La sexualité est tout à fait bien pour évacuer de toute façon, là aussi, les matières de la digestion. Voilà, mais comme ça fatigue le corps, il est inutile d'en rajouter, donc avant le bain, il ne faut pas. Voilà, c'est ça. Mais je crois que ce n'est pas du tout moral comme... Merci. Non, je suis d'accord. Marilyn Nicou, ce qui est intéressant, c'est de voir ce développement du thermalisme, alors là, vraiment médicinal, à partir du XIVe siècle, dirons-nous. Provoque des spécialités selon les villes. On va à telle ville pour telle raison. Les papes vont dans certaines villes du nord de l'Italie. D'ailleurs, c'est très étrange, parce qu'on parlait de Pouzzole tout à l'heure, qui est au sud, en l'occurrence. Mais ce ne sont pas ces stations du sud qui sont d'abord privilégiées par les nobles italiens ou par les autorités italiennes. C'est plutôt l'Italie du Nord. C'est l'Italie du centre et du Nord, effectivement, la Toscane, hein, notamment la région de Sienne est très valorisée. Didier Boisseuil l'a très bien montré dans sa thèse sur les bains siennois. Et puis, effectivement, l'Italie septentrionale, dans les bains de Bormio, par exemple, ou d'Aquiterne, mais dans le Montferrat. Également à Bologne, tout près de Bologne, les bains de Poretta, qui sont aussi des bains où l'on boit l'eau. Donc ça, c'est aussi des évolutions, on va dire, par rapport au thermalisme plus traditionnel. Et effectivement, mais c'est peut-être parce que aussi le discours médical sur le sud de l'Italie est assez peu prégnant à la fin du Moyen-Âge, on n'a pas vraiment d'auteur majeur. Donc il n'y a pas d'accompagnement de ces sites de Pouzzole, de Baille à la fin du Moyen-Âge, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de pratique. Oui, parce que vous dites tout de même qu'il y a beaucoup de traités en Italie, dans cette Italie du XIVe siècle, de traités médicaux qui traitent spécifiquement tout de la question de... Comment le bain peut vous guérir d'une certaine façon? Oui, c'est ce que j'appelle parfois un petit peu la forme de médicalisation avant la lettre, c'est-à-dire la manière dont les médecins s'emparent d'un objet qui jusqu'alors a intéressé essentiellement la philosophie naturelle, c'est-à-dire qu'est-ce qui explique la minéralité de l'eau? Qu'est-ce qui explique que des eaux sentent ou ont un goût particulier? Pourquoi elles sont-elles chauffées alors que d'autres sont froides? Normalement, l'eau est froide et humide. Donc, il y a une interrogation naturelle sur ces phénomènes qui débouche sur des formes de pratiques médicales et un intérêt thérapeutique pour ces eaux thermales. Et parfois politique. Laurence, puisque ces traités sont rédigés quand même à l'adresse de tel ou tel prince, ou tel duc qui possède ces terres. Et dans le but de valoriser, bien sûr, son bien et d'attirer du monde, puisque c'est source de profit aussi la fréquentation de ce site. Alors ça, il faut insister là-dessus, parce qu'on en parlera demain pour Baden-Baden dans le documentaire, mais on en parlera aussi mercredi pour la question de villes de pouvoir, comment les villes d'eau ont pu être des villes de pouvoir. Il y a déjà cette perception, selon vous, Laurence Moulinier, que, puisqu'on peut attirer une population de ce qu'on appellerait aujourd'hui de curistes, eh bien, on a un pouvoir économique qui est grandissant quand on possède ce genre de... Je ne pense pas l'inventer, mais que c'est clair dans les textes. Hein. On va flatter, dans le bon sens, le duc de Milan, par exemple, qui se retrouve à la tête de cette potentialité de richesse, en fait. Oui, on voit aussi les municipalités hein, qui s'emparent de ces sites thermaux, c'est-à-dire qu'elles les aménagent, elles inventent des fonctions hein, qui sont les gestionnaires des bains que l'on voit apparaître notamment au XVe siècle. Il y a un entretien des bassins, des constructions de bassins, c'est-à-dire qu'il faut imaginer que ces sites thermaux, à l'origine, c'est dans la nature, hein, c'est de l'eau qui sort toute seule, et puis progressivement, on va les aménager, on va prélever des taxes, des gabelles des bains, on va construire éventuellement des hôpitaux ou au moins des auberges pour accueillir ces personnes qui restent, je le disais, parfois jusqu'à 3 semaines. Donc, oui, ça fait des nuitées, comme on dit, en termes de tourisme contemporain. Des nuitées, ça fait donc des revenus aussi hein, pour les communes qui gèrent ces sites thermaux. Christelle de Polothèque. Et il y a déjà cette dimension de loisirs aussi, théâtre, jeu. Alors ça se développe un petit peu parce que c'est très ennuyeux le séjour au bain, c'est long, c'est très répétitif, c'est très fatigant aussi. Je pense que ça n'a pas changé véritablement par rapport à des pratiques actuelles. Donc il faut se divertir effectivement parce que quand on reste là très longtemps loin de ses amis, eh bien c'est d'où les échanges, les cadeaux, les envois de cadeaux, les échanges épistolaires. Et puis bon, alors, on a des témoignages un peu plus tardifs, hein, évidemment. Montaigne qui va au bain de plombière ou qui va dans les bains de la ville là, en Toscane par exemple, qui organise des bals lui-même. Mais dès l'époque médiévale aussi, on voit bien que dans certains bains à Pétriol, dans la province de Sienne, il y a les grandes ce monde se réunissent au bain. Oui, parce que c'est une pratique médicale longue, voilà, contrairement à beaucoup d'autres. Donc effectivement, faut organiser l'ennui, comme Marilyn l'a bien dit. Oui. Et alors tout de même, ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit qu'on est sur cette question à un moment de la recherche qui est en profonde évolution. C'est-à-dire que cette question de l'histoire du corps est un nouvel objet, pourrait-on dire, pour les historiennes et pour les historiens depuis une quinzaine d'années, pas beaucoup plus, ou une vingtaine d'années. Et donc là, on s'approche d'un nouveau champ de recherche, pourrait-on dire, Marilyn Nicot. Il y a beaucoup de choses à découvrir, en particulier en travaillant avec les archéologues qui, eux, découvrent dans des maisons privées, par exemple, des bains privés. C'est gentil de me rajeunir un petit peu parce que ça fait quand même assez longtemps que je travaille sur ces questions, mais vous avez raison. La fin des années 80, le milieu des années 90, dirons-nous. Non, mais je prends ça pour un compliment. Donc, mais effectivement, alors avec les archéologues, les choses se développent un petit peu. C'est notamment le cas, je pense, de Didier Boisseuil avec des archéologues siennois, d'essayer de développer les enquêtes, effectivement, sur les infrastructures des bains, parce que jusqu'à présent, on n'a pas beaucoup de connaissances par rapport au thermalisme de l'Antiquité. Sur ces questions. Merci en tout cas à toutes les deux d'avoir bien accepté de venir nous parler de cette question des bains et des thermes qui est au cœur de notre série jusqu'à jeudi prochain. Alors Christelle Polothèque, vous avez réalisé avec Anne Fleury le documentaire que nous allons entendre demain, un documentaire sur une ville de bains. Sur Baden-Baden, Bain-Bain. La véritable villa Viardot, c'est dans cette direction-là. Et Tourguenieff avait une petite maison qui a été détruite il y a une quinzaine d'années dans le coin-là, avec à l'horizon, alors un coin très pittoresque, à droite du vieux château, ce sont les falaises du Batort. Ce mont, on l'appelle le Batort, une région où viennent des sportifs viennent faire de l'escalade. À 7h du matin, ça commençait. Ceux qui vraiment faisaient une cure commençaient déjà par boire de l'eau dans cette grande galerie. Hein. Il fallait être vu, mais d'autre part, on disait qu'il fallait marcher. Hein. Il n'était pas bon de boire de l'eau et de rester assis. Donc on faisait les 100 pas dans cette galerie. Hein. Peut-être qu'on faisait des grandes promenades, parce qu'au 19e, c'était quand même très à la mode de se promener, de marcher, d'aller à cheval aussi dans la forêt. Et puis l'après-midi, eh bien, il y avait de la musique. Il y avait de la musique toute la journée, finalement. 6 fois par jour, ces concerts. Hein. Et puis le soir, il y avait des grands bals, on jouait. Quand il y avait l'Empire allemand, les Russes ne venaient plus parce qu'il n'y avait plus le casino, non? L'attraction, c'était le casino. Et le casino, si vous voulez le voir, il est absolument français. Chaque salle est une reconstruction des salles de... des châteaux en France, oui. On se trouve là, pratiquement en France. Et J'espère, je pense qu'en France, on parlait de Baden comme d'une ville française. Donc nous voilà devant l'entrée de cet hôtel 5 étoiles du parc hôtel Brennand, où nous allons découvrir la plaque qui a été apposée après le passage ou l'entrevue du chancelier Adenauer et du général de Gaulle en février 1962. Elle est à l'intérieur, la plaque ? Ah, là, on est à l'intérieur, oui, oui. Voilà, c'est une toute petite plaque, voilà ici. Donc une toute petite plaque en cuivre et en dessous, une citation signée de Konrad Adenauer le 3 décembre 1954. Nous devons être au clair, nous devons être conscients du fait que sans une véritable entente entre la France et l'Allemagne, la construction de l'Europe n'est pas possible. Un extrait du documentaire qu'on pourra entendre demain sur la ville d'eau qui est Baden-Baden, donc réalisé par Anne Fleury et que vous avez conçu avec elle, Christelle Le Polotek. On se posait la question la semaine dernière sur mai 68 de savoir pourquoi de Gaulle était parti à Baden-Baden. On a presque la réponse. On aura la réponse. On aura la réponse demain, en tout cas, en écoutant ce documentaire. Et puis on pourra aussi continuer à réfléchir à cette question des soins thermaux, de l'eau et de l'hygiène. Donc mercredi, on nous intéresse à la question de ces villes d'eau qui, nous l'avons dit à la toute fin de notre discussion, sont aussi des villes de pouvoir et de pouvoir culturel ou de pouvoir politique. Merci en tous les cas à toutes les deux. Merci Marilyn Nicou et merci Laurence Moulinier d'être venue aujourd'hui pour ouvrir cette semaine dans la Fabrique de l'Histoire. Comme d'habitude, cette émission a été préparée par Francesca Fossati et Aurélie Marseille. Édouard Rubinstein nous a accompagnés à la technique et Anne Fleury à la réalisation.